table ronde ce matin pour parler de la Coupe Grey. Une Coupe Grey assez particulière puisqu'on va retrouver Mark Trestman encore une fois avec l'ancien entraîneur des Alouettes. On va parler d'abord avec notre expert football qu'il n'y a plus besoin de présentation, Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Et ce matin, j'ai décidé de faire un petit spécial. On va rejoindre Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes. Puis c'est un petit spécial bien fun parce que c'était hier le gala de la Ligue canadienne de football. Et Luc Brodeur-Jourdain a mérité un prix. Salut Luc. Bonjour, bonjour. Luc, parle-moi de ce prix-là. C'est un prix, en fait, c'est de la manière que j'ai pu comprendre, c'est un prix qui est un petit peu l'implication dans la communauté, un prix d'image aussi, puis un prix aussi pour peut-être les anciens combattants. C'est tout ça? En gros, ça ressemble pas mal à ça? C'est officiellement ça. C'est le Jake Goddard Award. Jake Goddard était une personne qui a été pendant plus d'une vingtaine d'années, puis je pense vingtaine d'années, ça c'était commissaire de la Ligue, mais je pense son implication en tant que joueur, puis toute la carrière au complet, ça doit s'avoisiner 40-45 ans dans la Ligue canadienne. Mais au-delà de tout ça, a priori, c'est un vétéran de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Puis on lui a décerné un trophée, on lui a fabriqué un trophée pour dans la Ligue canadienne pour le joueur qui représente le plus la persévérance, puis l'esprit du vétéran de combattant de guerre. Donc de recevoir cet honneur-là, c'est pour moi c'est exceptionnel parce que c'est pas évidemment les trophées dans ces soirées de trophées-là, habituellement c'est joueur le plus utile à son équipe, le meilleur en défensive, meilleur sur les unités spéciales. Mais lorsqu'on arrive aux deux trophées, le Tom Pate Award puis le Jake Goddard Award, c'est deux trophées dans le fond qui viennent te remercier d'être une bonne personne ou d'être une personne qui se démarque également à la fois avec son attitude sur le terrain, mais sa personnalité en tant qu'individu. C'est pour moi un honneur d'avoir mon nom maintenant sur le trophée Jake Goddard Award. Ben oui, Pascal, je voudrais Dan pour connaître personnellement Luc aussi. C'est un trophée, justement, comme Luc le mentionnait, en lien avec un historique de nos vétérans, tu sais. Puis souvent, au football, on va faire des analogies par rapport à... On s'en va à la guerre, puis on est des soldats. Puis Luc est exactement le style de joueur qui... On peut dire un tough player, mais un exemple là, pour nos jeunes joueurs québécois. Fait que Luc, je suis vraiment content que tu aies gagné ça, mais surtout je te félicite, mon ami. Hey Luc, ton statut avec les Alouettes, c'est quoi là? T'es-tu joueur autonome? Parce que c'est pas encore clair. D'abord, est-ce que tu vas revenir en 2018? Je suis encore sous contrat avec l'équipe. Okay. J'ai un an de contrat. Parce que l'année dernière, j'ai signé un contrat de 2 ans, puis dans le fond, c'est la structure même du contrat était quand même assez flexible dans le sens où il n'y a aucun contrat de garantie dans la Ligue canadienne, ouais, de toute façon. Mais mon ambition, oui, c'est de revenir puis de jouer. Cette année, j'estime que j'ai eu une bonne saison avec l'équipe, malgré nos insuccès. Là, on se mentira pas là, ici, là, 3 victoires, 11 défaites, un stretch de 11 défaites consécutives, c'est pas une grande saison pour une équipe. Mais je sens qu'on avait une ligne offensive lorsque tout le monde était en santé, qui était très productive, puis qui était même dominante. On a commencé la saison, les 3 premiers matchs, on n'a accordé aucun sac de score, on avait un porteur de ballon qui se trouvait, je pense, 2e au nombre de verges cumulées. Puis le groupe de joueurs qu'on avait sur la ligne offensive, c'est un groupe qui communique bien puis qui travaille bien ensemble. Donc, si on veut toujours de moi l'année prochaine, j'ai l'ambition de me préparer au camp d'entraînement puis d'arriver en pleine forme, en bonne condition physique. Puis ça fait 2 ans que j'ai eu ma chirurgie au genou. Okay. Statistiquement parlant, pour la vaste majorité des gens qui se font opérer au croisé antérieur, ça prend environ ça avant de se sentir confortable. Moi, maintenant, je suis revenu au jeu après 6 mois et demi post-chirurgical. Ouais, ça a été difficile de surmonter ça, mais je me sens de mieux en mieux. Puis même dans le cours de la saison, je trouvais que ma réponse physiologique par rapport cette blessure-là était de mieux en mieux, de match en match. OK. Pascal... Question pour toi, ouais. Luc, par rapport à ça. Par rapport à ton statut, parce qu'on le voit là un peu avec les Alouettes depuis la dernière saison, là qu'il nous envoie quelques surprises ici et là par rapport au statut des joueurs. Moi, je pense personnellement qu'il te reste encore... au moins une ou deux bonnes saisons derrière la cravate, c'est pas plus, là, mais surtout comme joueur de centre, on le sait, l'expérience d'un joueur de centre peut compenser un peu pour peut-être un 10 livres de moins au bench, là. oui. Si advenait le cas qu'il fallait que tu changes d'équipe, est-ce que toi tu te dis un peu dans ta tête, moi je veux continuer à jouer, mais seulement si je reste à Montréal, parce que t'as une jeune famille, t'es établi. Est-ce que tu serais prêt à aller jouer pour une autre organisation? Puis là, on comprend que ton idéal, c'est de rester à Montréal, mais est-ce que ça serait comme là, c'est fini, j'irai pas à Saskatchewan, exemple? Non. Non, j'ai eu, lorsque j'ai été blessé, pendant un bref moment, j'étais joueur autonome, puis j'avais reçu un appel, justement, des Rough Riders de Saskatchewan. pour moi, ça a été super facile de les remercier premièrement de me démontrer un intérêt, mais que mon cœur était à Montréal, puis que je déménagerais pas. Donc, non, ta carrière est quand même faite aussi. Là, tu dans le sens, t'auras pas à faire ce sacrifice-là pour faire ton rêve. Là, disons que ton rêve de joueur de foot est assez complet en ce moment aussi. Là. Exactement. Puis. En ce moment, dans ma carrière, maintenant, ce que je désire le plus, c'est pas nécessairement de continuer à jouer au football année après année, puis de m'accrocher à ce sport-là que j'aime beaucoup, puis qui a été une partie, que c'est vraiment une partie importante de ma vie. Mais l'idée en arrière de tout ça, moi, ce que je désire le plus, c'est de quitter le bateau alors qu'il va se tomber à flot. Les trois dernières saisons ont été extrêmement difficiles. Puis j'ai besoin de voir la lumière au bout du tunnel. J'ai besoin de sentir, on est une équipe qui commence à rebâtir, on a des jeunes. Ça fait 3 ans qu'on est la plus vieille équipe de la Ligue. Puis ça, je le dis pas à la légère. Je vais avoir 35 ans. Je suis dans le monde du football, Pascal, tu connais ça. Je suis rendu un dinosaure, là. fait que d'avoir une vieille équipe, c'est pas bon pour une organisation à long terme. C'est un sport de jeunes. Le football est un sport fait pour les jeunes. On a besoin de dynamisme, on a besoin d'énergie, on a besoin de fougue, on a besoin de caractère. Puis ça te prend un certain noyau de vétérans, mais les vétérans sont là pour guider les jeunes sur l'éthique de travail, la façon que ça fonctionne, les expériences passées vécues, le partage d'expériences. C'est important qu'on rajeunisse notre équipe dans les années qui viennent. Puis juste de voir un jeune carrière, de voir une lueur d'espoir. Matt Schultz, cette année avec nous, je pense que c'est un carrière qui a un très, très bon potentiel. Mais c'est important aussi, lorsque tu as un jeune carrière avec du potentiel, de pas l'exposer justement à trop de pression rapidement, puis trop de responsabilités rapidement. On a besoin d'une équipe qui est capable d'enlever cette pression sur le carrière et de gagner d'une façon différente que de simplement avoir un pocket passer, un carrière confortable dans la pochette qui distribue le ballon. Un Anthony Calvillo, tu vas en trouver un sur X millions. On n'est pas à attendre le prochain Anthony Calvillo, on est à bâtir un prochain carrière d'organisation. Donc, c'est important de ne pas mettre de pression rapidement sur ce sujet. Et c'est vrai, puis c'est le temps de développer. Tu sais, regarde Brandon Bridge en Saskatchewan qui a montré de très, très belles choses. Il appartenait aux Alouettes. Moi, j'en ai parlé souvent dans les chroniques avec Pascal. Moi, Rakim Keito, je l'adorais. Il avait beaucoup de talent. Tu peux pas connaître un match comme il avait fait contre Calgary puis pas avoir de talent à son premier match. Je trouve ça dommage ce qui est arrivé dans le cas de Rakim Keito. On n'a pas été patient avec l'université d'où c'était Marshall qui était très très dominant. Il me semble qu'il aurait été capable. On va tout de suite aller dans les Canadiens, les boys. Pascal, avant de commenter, Mark Trussman, entraîneur de l'année. Incroyable, hein? Écoute, moi, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir côtoyer cet homme-là. Ouais. Et puis, c'est sûr que quand j'ai vu que Mark, il revenait dans la CFL, il est venu rejoindre son bon vieux chum Jim Pop à Toronto. Je me disais, ça peut être dangereux, pas à moyen long terme, mais à court terme. Puis effectivement, coach de l'année, c'est de mon côté, il n'y a aucune surprise. J'imagine, Luc. Luc, t'as-tu eu la chance de. T'as pas joué, hein, pour Mark Tessman? Ah, juste 5 ans. Ah, t'as joué pour Mark Tessman? Je pensais qu'il était parti. Non, j'ai fait la saison, mon premier camp d'entraînement avec Pascal Masson en 2008. Puis j'ai eu ensuite la saison 2009, 2010, 2011, 2012. Donc, à partir du moment où je parle, okay. Non, c'est pas de problème. Ouais, ouais. C'est ça, la première année qui est arrivée, Mark était. Écoute, c'est un grand entraîneur, ouais, à mes yeux. D'être de retour dans la Ligue canadienne, puis de le voir porter un autre logo, une autre organisation. Je le comprends, le filon conducteur était là avec Jim Pop, à partir du moment où est-ce que Jim Pop, qui a eu la rupture avec les Alouettes de Montréal, puis qui a eu une ouverture de la part des Argos, c'est naturel d'aller là où est-ce qu'il travaille. De tout voir ce monde-là, puis si on passe le noyau de joueurs des Argonauts de Toronto, on va parler de beaucoup d'anciens des Alouettes. Donc, c'est difficile pour moi de voir, mais la grandeur de l'entraîneur en soi, je suis aucunement surpris parce que c'est l'amalgame parfait des choses qui sont bonnes pour Mark Trestman. Il y a un jeune noyau de joueurs, puis il y a des vétérans à des positions clés comme celle de corps arrière. Ça ressemble tellement quand il est arrivé en 2008, 2008 avec les Alouettes, 2008-2009. Ça ressemble vraiment à la même... C'est la même combinaison. Exactement, la même combinaison. Ouais. Il y a tous les ingrédients pour connaître du succès dans la signature Trestman. Puis c'est pour ça que... Puis en plus, là, quand ils sont allés chercher LJ Green, je pense que c'était vraiment la pièce qui manquait peut-être pour lui. Puis effectivement. On a vu la combinaison Ricky Ray et LJ Green cette année là, faire des flamèches. Ben, exact. Exactement. Le SJ Green d'aujourd'hui et le Jamal Richardson d'antan. Et voilà. Le Ricky Ray et l'Anthony Calvillo d'antan. Donc, on fait des parallèles comme ça. Puis, sur la ligne offensive, c'est Chris Van Dill qui est là depuis une dizaine d'années également. Puis, ils ont quelques joueurs qui sont là depuis quelques années avec un nouveau centre, un centre qui est à sa deuxième année, qui est en nomination déjà pour meilleur joueur dans la il était le meilleur joueur de ligne de l'Est pour hier pour le gala, puis il est en nomination pour le meilleur joueur de ligne de la Ligue canadienne cette année. Donc c'est un amalgame parfait, une combinaison parfaite pour le genre d'équipe que Mark Trestman avait besoin. C'est d'être à la bonne place au bon moment encore une fois. Luc, donc on peut juste dire que c'est l'attaque des Stamps contre la défensive des Argonauts. L'équipe complète des St. Peter's de Calgary, je peux pas dire que c'est l'attaque de Toronto l'attaque de Calgary contre la défensive de Toronto. Okay. J'ai l'impression que c'est deux équipes qui courent quand même bien avec le ballon. Calgary a probablement l'avantage à ce niveau-là parce qu'ils ont une combinaison de deux porteurs qui sont performants et puis ils ont leur style propre. Du côté de Toronto avec Wilder Jr., c'est un porteur qui est explosif, mais j'ai vu au courant de la saison que ça a été important pour les Argonauts de quand même libérer la pression appliquée sur le carrière en passant constamment le ballon. Il y a plein de passes voilées, il est impliqué de X, Y façon dans les schématiques offensives. Donc, je pense que Calgary, c'est une équipe bien bâtie. La clé du succès pour Toronto, c'est de rester sur le terrain offensivement. Parce que tu le sais qu'en temps de possession, les Stampeders de Calgary, lorsqu'ils embarquent sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup de jeux au sol, des petites passes, puis à un moment donné, à des moments précis, des moments clés, on tente la passe profonde. C'est une équipe bien rodée qui est bâtie sur du rock. On a créé un noyau de joueurs, puis on développe ces noyaux de joueurs-là sur plusieurs années. On fait la même chose du côté des entraîneurs. Donc c'est pas un add-on que cette équipe-là se retrouve constamment en finale dans les séries éliminatoires puis qui ont des saisons dominantes de A à Z. parce que c'est des équipes qui sont assez serrées. Okay. Pascal, est-ce que les Argonauts de Toronto, ils ont bien terminé l'année? On en a parlé la semaine passée. Tout un match contre Regina. Le fameux momentum. Tandis que les Stamps, à part leur victoire la semaine passée, c'était difficile la fin d'année des Stamps. Ça peut-tu jouer, ça? Ben écoute, ça peut jouer lorsque t'as un match à jouer tout de suite la semaine suivante la défaite. La bonne nouvelle du côté des Stamps, c'est une culture de gagnant. Luc l'a très bien défini. C'est un peu quoi le noyau là-bas. C'est pas une équipe qui est ébranlable facilement. On est bien balancé offensivement. On a une défensive très agressive. Donc, moi, je pense pas que du côté des Stampeders, il n'y a personne qui est inquiet. Okay. Pendant le fait d'avoir perdu contre Ottawa l'an passé, c'est là, si ça commence à aller un peu moins bien, il faut pas qu'ils se disent « Hey, on veut pas revivre la même affaire que l'an passé. » Il faut pas qu'on tombe dans nos anciens... dans nos vieux cauchemars. Ça, c'est définitif. Mais du côté... Tu parlais de la défense des Argonauts, mais offensivement, les Argonauts, là, c'est au-dessus de 400 verges en moyenne totale par match. Donc, c'est une attaque comme Luc le dit, c'est une attaque explosive. Tu sais, James Waters, c'est un frappeur de coups de circuit. Et puis, on déguise des jeux au sol avec des petites passes. On a un West Coast offense traditionnel à Mark Trestman où qu'on va lancer des passes rapides pour protéger Ricky Ray. Mais c'est la clé du côté des Argonauts. Faut pas que Ricky Ray se fasse frapper. Faut pas qu'on se rende à Ricky Ray. Le système offensif est bâti de même. Mais du côté des Stampeders, on est capable d'amener la pression. Mais il y a un joueur défensif des Stampeders qui a dit cette semaine, je sais pas si tu l'as entendu, Luc, mais il a dit le carrière le plus facile à saquer de toute la ligue, c'est Ricky Ray, parce que s'il se voit arriver, il va faire la tortue, il va tout simplement se rentrer la tête et se laisser frapper. Fait que, il faut pas que ça. Il essaiera pas de se sauver, Ricky Ray, là. Je peux te dire que moi, tu l'as déjà vu avec Tony Carrillo dans le temps, c'était très, très, très similaire. Les unités spéciales, Luc, c'est un rôle important, le positionnement sur le terrain. Calgary a tout un retourneur de beauté en Roy Fitch. Oui, puis c'est lui qui a remporté le trophée de joueur de unités spéciales cette année. Il y a une année exceptionnelle, puis les unités spéciales, en tant que joueur, c'est souvent, on a notre rôle offensif ou défensif, puis les unités spéciales, c'est un amalgame de joueurs offensifs et défensifs, mais c'est vraiment, dans la Ligue canadienne, déterminant dans un match, le positionnement de terrain. Où est-ce que tu commences? Est-ce que tu es à 75 verges, 80 verges de la zone début pour aller chercher des points? Est-ce que tu joues... c'est parce que le positionnement de terrain, à la priori, ça te dit pratiquement déjà si tu vas jouer du football de rattrapage ou non. Donc, le stress qui est appliqué sur chacune des équipes avec ces changements rapides-là, lorsque tu as un retourneur aussi menaçant sur toutes les potes de dégagement ou les pentes, c'est tout... Dès que ce joueur-là a le ballon sur les mains, c'est une menace. Puis pour les 11 autres joueurs qui bloquent pour lui, c'est tellement facilitant, puis c'est tellement inspirant au niveau de la confiance de dire « J'ai juste à bloquer mon joueur une fraction de seconde au moment important. Ouais. » Puis j'ai pas de questionnement. Mon retourneur est agressif. Il va courir nord-sud, vertical, puis il va aller chercher les verges qui sont utiles pour notre attaque. C'est à mes yeux la facette la plus importante d'une équipe. Puis veux pas, du point de vue physique et mental, lorsque tu es sur des unités spéciales et puis que tu décides personnellement d'être le marteau et non pas le clou, tu dictes une attitude pour tout le match. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas réalisé avant d'y être. Et l'année dernière, lorsque j'étais dans mon cycle de récupération de blessures, lorsque j'ai eu mon retour en action puis dans l'alignement, l'une des premières places où est-ce que j'ai été impliqué, c'était sur le mur, Pascal, sur le mur, sur le kick-off return. Donc, un vétéran qui était rendu à 8 ans, 8-9 ans dans la ligue, de me retrouver sur le mur, sur le kick-off return, ça m'a fait découvrir tout un autre monde sur les unités spéciales. Puis mon niveau de respect a augmenté. Augmenté pour les joueurs des unités spéciales, écoute. Hein? Ouais. Ah, écoute, c'est vraiment une facette de la game qui est je pense pas autant appréciée par les gens, parce que c'est peut-être moins structuré que le football en conventionnel offensif et défensif, mais ô combien important dans le positionnement de terrain, ô combien important pour chacune des attaques puis des défensives. Quand une offensive est reculée, on essaie d'aller chercher des petites verges, puis sinon on essaie un jeu explosif. Donc défensivement, c'est plus facile à aller. C'était mes prédictions, Pascal. Écoute, moi, je suis vraiment déchiré dans ce match-là au niveau émotif, parce que j'ai d'un côté mon ancienne organisation qui m'a donné l'opportunité de jouer dans la Ligue canadienne du côté de Calgary, et puis un ancien entraîneur du côté de Toronto que je respecte énormément. Mais je pense que Calgary va gagner ce match-là par le fait qu'ils ont premièrement perdu l'an passé. Et deuxièmement, c'est une équipe complète, et Beau Levi Mitchell va être en mesure de prendre tout le monde puis de gérer ce match-là. Mais ça va être un match de Coupe Grey comme on les veut, serré et très stratégique. Luc? J'ai l'impression également que ça va être un match serré. Mais assurément, l'avantage, moi aussi, je pense que ça va du côté de Calgary. C'est une équipe qui est plus agressive avec le jeu au sol, l'attaque terrestre, et puis qui va contrôler le temps de cadran. Je pense que la défensive torontoise est une défensive, somme toute, quand même assez simple en termes de stratégie, mais qui est efficace avec du point de vue physiologique. Mais la grosse ligne offensive des Stampeders va arriver à brasser la ligne défensive. C'est des joueurs qui sont pas nécessairement de gabarit imposant, puis lorsque tu continues à taper sur le clou graduellement, puis à courir avec le ballon, puis un gros porteur comme Jerome Bessin qui attaque la ligne de mêlée pleine vitesse, c'est beau, tu vas le plaquer à deux verges au premier quart, mais rendu au quatrième quart, il va probablement se faire plaquer à 6-7 huit verges, puis c'est là qu'en deuxième essai et trois verges, tu recours le ballon encore. Donc défensivement, je pense que les Argonauts vont finir par s'épuiser, et puis le rouleau compresseur va continuer à avancer. Ben messieurs, très intéressant. Luc, très merci beaucoup pour cette table ronde. Pascal, moi j'aimerais ça t'en reparler lundi pour faire une finale de notre belle saison encore une fois. Puis parler de la Coupe Vanier, j'en ai pas parlé de la Coupe Vanier, mais là maintenant, parle Georges, fait qu'on n'a plus de temps. On va faire le bilan des deux matchs, Pascal. Excellent, cher ami. Donc, Pascal Masson et Luc Brodeur-Jourdain, la Coupe Grey dimanche à 18h30.